patriotes, mais n'étaient pas des sans-culottes, car n'en déplaise à Robespierre et autres ci-devant derrière, le fait de gouverner cul-nu n'est pas un brevet de vertu. Si la France était menacée, comme j'irais mourir à pied, peut-être bien au même endroit, quelqu'un me dira ça ira. Mais qu'on brûle un bout de mon champ, alors je me ferai chouan. Il était déjà vieux, le siècle des Lumières, quand il a décidé d'en vivre les idées. Ignorant les menaces d'une soirée de brumaire qui mangerait en herbe la jeune liberté, elle avait de bonnes intentions. Dans sa juste révolte et sa belle innocence, elle permettait un coup à chacun d'exister, humain sans rien devoir au hasard de naissance. Elle nous faisait égaux dans la fraternité. La révolution. Je fais serment de m'engager, j'irai au moulin de Valmy, au pont d'Arcole à Rivoli. Mais qu'on touche un cheveu des miens et je me ferai vendéen. Pour proclamer les droits de l'homme, je m'inscrirai aux Jacobins. Mais comme je crois aux droits des hommes, je passerai aux Girondins. Pourquoi telle si vite, au gré des circonstances, oublier l'essentiel des leçons de Voltaire?